Chez Jean Dumas-Fort de Dolbeau Mistassini, profitez des rabais automnales. Louez le F-150 2019 à $99 par semaine ou encore le Ford Escape 2019 à 0% sur 72 mois. Jean Dumas-Fort, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau Mistassini, 418-276-1316. N'hésitez pas à devenir membre de notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas-Fort, là où l'expérience client est inégalée. Tout le personnel et la direction de Jean Dumas-Fort de Dolbeau Mistassini vous incite fortement à acheter localement pour préserver les emplois de chez nous. C'est un grand privilège pour moi d'accueillir l'ancien directeur général du Canadien, Serge Savard, qui lance son autobiographie aux éditions K.O. Et c'est un livre qu'on devrait avoir ici même à Dolbeau Mistassini très très bientôt. Donc le livre s'appelle « Canadien pour toujours ». En ligne, l'ex-directeur général du Canadien, Serge Savard. Bon midi, M. Savard. Oui, bon midi, merci beaucoup. C'est Canadien jusqu'au bout. Canadien jusqu'au bout, oui, c'est vrai, excusez-moi. Monsieur Savard, je vous ai entendu à plusieurs à d'autres endroits, je voulais préparer mon entrevue, et évidemment, je ne vous posais pas la question comment ça se fait que ça a été aussi long d'avoir une biographie. Je la connais, la réponse, mais je vais vous demander, avec ça va être quoi, entre deux jours que c'est parti, là, la biographie, êtes-vous content des feedbacks que vous avez jusqu'à maintenant? Ben, je suis très content. Écoute, quand tu décides d'écrire ta biographie, ben c'est un peu comme commencer une saison au hockey. Là. Tu sais pas où tu vas finir. Ouais. Tu sais pas où tu vas finir en fin de saison. Ou la même chose avec un livre. Comment ça va être? Est-ce que ça va être bien? Ça va être bien écrit? Ça va être bien perçu? Puis quand j'ai reçu le livre, c'est un volume de 500 pages. C'est l'histoire de ma vie professionnelle avec ma jeunesse puis le chemin qui m'a emmené avec le club de hockey canadien. L'autre soir, quand je suis arrivé au... Naturellement, il y a un paquet de presse écrite et parlée qui ont la copie d'avance avant les entrevues. Oui, je l'ai eu aussi, moi. Puis ils ont le temps de lire ça ou de le lire un peu ou le lire tout. Et quand je suis arrivé, tout le monde en parle. L'émission de dimanche passé, c'était enregistré le jeudi avant. Et Danny Turcotte, puis M. Lepage, Guillaume Lepage, ils sont venus me voir avant l'émission pour me dire que j'avais commencé à lire le livre et je l'ai terminé. C'était tellement bon. C'est fait que moi, là, quand j'ai un commentaire comme ça avant de ma conférence de presse, tu es heureux, là, t'as le produit final, puis t'as eu 7-8 commentaires que c'était excellent. Fait que j'étais pas mal content. Ben, M. Savard, soyons honnêtes, vous avez fait un bon choix. Philippe Quentin aussi, là. C'est pas son premier volume, là. Oui, c'est ça. Il est parti, il a écrit deux volumes. Puis je les ai tous lus, là. C'était le Colisée contre le Forum. Puis après ça, les 100 meilleurs matchs ou les 50 meilleurs matchs, je ne me rappelle plus, c'est 50%. Là. J'ai lu ces deux volumes, puis c'était écrit d'une plume extraordinaire. Ah, regarde, écoutez, moi je l'ai eu, j'ai à peu près 20 pages de lu, là, puis on embarque immédiatement dans l'autobiographie. Mais il y a tellement de choses à dire sur Serge Savard. T'as Serge Savard, évidemment, comme tout le monde, le citoyen. T'as Serge Savard, le joueur de hockey. T'as Serge Savard, le directeur général. T'as Serge Savard, l'homme d'affaires aussi. Les gens. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. C'est surtout ma vie professionnelle. Ouais. Puis il y a mon enfance aussi, comme je disais tout à l'heure, le chemin qui m'a emmené au club d'hockey canadien. Mais tu verras pas dans ce volume-là là, que Serge Savard, il a été président du club Kiwanis. Il a été président de tel événement. Là. On parle pas de ça, là. On parle pas de ça. C'est ma vie professionnelle. OK. Monsieur Savard, évidemment, vous êtes en région. Vous venez de l'Abitibi. Moi, ici, c'est le lac Saint-Jean. Donc, vous êtes quand même... c'est des deux régions qui se ressemblent pas mal. Vous venez d'un petit village de 1000 personnes en Abitibi. La question que je vous pose, ici, on a Samuel Girard qui est excellent avec l'Avalanche du Colorado, mais est-ce que c'est plus dur pour un joueur natif des régions éloignées d'atteindre les grandes ligues qu'un joueur de Montréal? Moi, je pense que dans notre temps, oui, c'était plus facile. OK, OK. Je m'explique. C'est que en région... À cette époque-là, on se ramène là, des années 50, là, puis début des années 60. Là. Il n'y avait pas beaucoup d'aréna. Moi, là, il y avait un aréna à Moss qui était à 10 000 de chez nous, puis il n'y avait pas de glace artificielle. Là. Puis Il n'y avait pas d'autres sports. On n'avait pas de télévision. La télévision est arrivée en 1957. Et si tu regardes là, les joueurs du Canadien là, de ces époques-là, là, tu arrives dans les 50-60, là, la plupart des joueurs venaient des régions. Parce que on évoluait, on passait peut-être 25-30 heures par semaine sur la glace. Aujourd'hui, les jeunes, à moins d'être dans l'élite, là, si tu es dans les doubles lettres, tu vas passer peut-être plus de temps sur la patinoire. Là. Mais le petit gars ordinaire là, qui n'a pas fait les deux lettres, là, lui, il va avoir une heure de glace par semaine, puis tu enlèves le temps de la Zamboni, puis il embarque peut-être 5-6 fois dans un match. Lui, il va avoir joué 10-15 minutes par semaine. Okay. Donc, moi, je passais 30 heures, puis des fois 40 heures par semaine sur la glace. Alors, c'est ça que dans les régions, on a développé beaucoup de joueurs. Quand je suis arrivé avec Canadien, il y avait Jacques Laperrière, ça venait des régions. Ça venait de Rouyn-Noranda. T'as eu toute la famille Bordeloup, Régent Hall, c'est tout du monde qui venait de l'Abitibi. C'est Dave Keehan, ça vient de Rouyn. C'est tout du... L'Abitibi était une pépine pour la Ligue nationale. Guy Carbonneau, cette île. Oui, Guy Carbonneau. Oh, oui. Les régions, ouais. Maintenant, on n'est plus avantagé parce que on est en ville. On a toutes des arénas, on ne joue plus à l'extérieur, puis on est au même niveau que les villes. Ouais, effectivement. Dans notre temps, on avait réellement un avantage. Monsieur Savard, je vais passer un grand bout parce qu'évidemment, j'ai tellement de choses à vous demander. On va parler directement du Big Three. Vous avez fait partie probablement de l'un des plus grands brigades défensives de l'histoire du Canadien et de la Ligue nationale avec votre Big Three. Est-ce que selon vous, des temps modernes, là, est-ce que c'est le meilleur Big Three que vous avez eu? Ben, écoute, tu as trois joueurs là, qui sont au temple de la renommée, puis tu as trois joueurs que leur chandail est retiré. Là. Je ne sais pas si on a ça dans d'autres. Peut-être qu'on l'a dans d'autres clubs, mais en même temps, moi je suis celui qui est arrivé le premier là, avant ces gars-là, puis j'ai eu des blessures assez importantes. Puis, là, Guy Lapointe est arrivé, puis après ça, il y a eu l'arrivée de Larry Robinson, puis. Mais ça, c'était un mélange. Là, on avait trois défenseurs qui étaient pas pires. Là. Mais ensuite, on a eu un Ken Dryden. Puis en avant, Lafleur est arrivé. Puis là, t'as Steve Schott. C'était tous des gars de 50 buts. Là. Ouais. Jacques Lemaire, Peter Mahovlich. C'est une équipe que tu pourrais pas avoir aujourd'hui avec le contexte du cap salarial. Si tu prends notre équipe qui a gagné les quatre Coupes Stanley d'affilée là, de 76 à 79. Puis regardez l'alignement. Puis essayez de mettre ça en dollars d'aujourd'hui. Comment que Robinson serait payé? Comment que Lapointe serait payé? Comment que Savard serait payé? Comment que Steve Schott serait payé après avoir compté 62 buts? Comment que Guy Lafleur serait payé? Il serait le gars le mieux payé de la Ligue. Donc, il serait pas loin de 15 millions. Tu as le droit de 20% du cap salarial pour un joueur. Et comment que les Mahovlich seraient payés, tu sais, ça rentre plus, là, ça rentre pas dans le cap aujourd'hui, là. Alors, c'est pour ça que tu peux pas avoir de dynastie, ça existera plus, ça, des grandes dynasties, parce que, aussitôt que comme les Leafs de Toronto, là, aujourd'hui, là, ils ont été obligés de payer Matthews, Marner, là, si on veut s'améliorer puis aller chercher un défenseur de premier plan à Toronto, on n'a plus de place. Oui, effectivement. Là. Toronto, il faut qu'ils gagnent cette année ou pas du tout. Effectivement. Ben oui, mais on peut pas. Je vais donner un exemple. Là. Moi, je pense que ça serait un fit extraordinaire. Disons que le Canadien décide, on fait de l'extrapolation, là, on dit n'importe quoi. Disons que le Canadien disait, ah, OK, moi, nous autres, là, rendu à Noël, ça marche pas, puis il va falloir faire des changements, puis on met Weber sur le marché. Toronto, ah oui. Ouais. Toronto, ça se piterait comme un gant. Oui, effectivement. Donc, ils ne sont pas capables. Non, c'est sûr. C'est sûr. ils ne seraient pas capables. Alors, c'est pas comme dans notre temps, puis des belles dynasties comme dans notre temps, tu verras probablement, puis ça. Non, c'est sûr. Il y en a une, mais au football, avec les Pats, puis ça, c'est un système. C'est beaucoup plus qu'une dynastie, bien sûr. Oui, c'est un système. Les autres, ça n'est une dynastie. Au baseball, tu vas continuer d'en avoir parce que. Oui, la taxe de luxe. C'est un cap salarial qui est mou. Ça veut dire que tu peux le dépasser comme tu veux, mais tu vas payer une taxe luxueuse. Là, comme les Yankees, les Dodgers, tu vas les voir là chaque année parce qu'ils vont payer une taxe peut-être de 50 millions. Ils vont payer une taxe additionnelle pour dépasser le cap. Tandis que nous autres, on a un cap dur. Tu peux pas tricher le cap. Ouais. Monsieur Savard, je vais vous parler maintenant de votre directeur général, de votre rôle de directeur général. Si ça sert à faire Guy Lafleur, est-ce que sa première retraite, est-ce que vous agiriez différemment? Bien, sa première retraite, Guy a décidé de prendre sa retraite là, à ce moment-là. Ouais. On l'a pas poussé, là, Guy Lafleur. Là. Il y avait des petits problèmes de fin de carrière où coach décidait, ben là, tu vas jouer juste sur mon deuxième jeu de puissance, tu ne seras plus sur mon premier jeu de puissance, tu vas jouer un petit peu moins souvent. Ben, il n'aimait pas ça, puis il n'y a pas personne qui aime ça, puis il n'y a pas un athlète qui aime ça en vieillissant, savoir tasser un petit peu. Puis il a pris une décision, il est venu me voir, puis à un moment donné, il n'était pas content, puis il pensait prendre sa retraite, puis j'ai dit, fais ce que tu veux, puis si tu veux continuer, je vais tout faire pour essayer de faire jouer plus souvent, puis d'améliorer les choses avec Jacques Lemaire. Mais comme moi, j'ai pris ma retraite en 81, puis j'ai décidé de revenir au jeu 4 mois plus tard. Tu sais, un athlète, ça meurt pas. Un athlète, ça meurt pas. Quand tu prends de l'âge, tu penses toujours que tu es capable de faire les mêmes choses que quand tu avais 20 ans, quand tu avais 25 ans. Ça, c'est l'athlète. C'est comme toi, tu arrives sur le terrain de golf le matin, tu as joué 80 la veille, tu as dit, ben, je suis heureux, je n'ai jamais joué une game demain. Tu arrives le lendemain, puis je suis peut-être capable de jouer 118 aujourd'hui. Ben, pouf, tu joues 85, 90. T'sais. Alors, mais le lendemain, tu vas revenir, puis en l'intérieur de toi, tu te dis, oui, je suis capable, j'ai déjà fait, je suis capable. Un athlète, c'est comme ça. On ne meurt pas. Non, puis il faut savoir aussi se retirer. Je pense à un gars comme Jaromir Jagr, qui est probablement un des bons joueurs de l'histoire de la Ligue nationale. T'sais, il reste à 48 ans, puis il joue encore. Là, mais maintenant, il faut savoir se retirer aussi, là, en pleine gomme. Moi, c'est mon opinion personnelle. Monsieur Savard, votre meilleur échange comme directeur général, donc vous êtes le plus fier. Ah, je vais te répondre à condition que tu ne me demandes pas quelle est ma la plus mauvaise. Ben, je pense que c'est Chilios. Je l'ai entendu. On a fait des bonnes et des mauvaises. C'est dur à dire. J'ai changé des choix de repêchage des fois. Puis, exemple, Robert Picard. Ah, ben c'est elle que je voulais. Moi, personnellement, là, je l'ai posé sur les médias sociaux. La meilleure transaction de Serge Savard, c'est Robert Picard. Ça a donné Patrick Roy. Ouais, mais ça, on ne pouvait pas le prévoir quand on l'a fait. Ouais. Mais quand, au bout de la ligne, ça a donné, là, je ne calcule pas nécessairement ça comme un échange, mais c'est ça qui est arrivé que j'ai eu Patrick Roy, parce que je voulais avoir un choix au début de la troisième ronde à ce moment-là, parce qu'on savait que Patrick ne passera pas dans les deux premières rondes, puis probablement il n'aurait pas passé où je repêchais en troisième ronde. Alors, ça s'est avéré très payant pour nous autres. Mais regarde, j'ai deux échanges que j'ai faits qui s'est avéré deux Coupes Stanley. Ils ne sont pas nécessairement responsables des Coupes Stanley, mais c'est deux joueurs qui nous ont donné une dimension qui nous manquait. Bobby Smith, quand j'ai fait la transaction Bobby Smith, puis ça c'était on a gagné la Coupe Stanley en 86, et la transaction de Vincent Danfous. Qui nous a donné une dimension, une petite dimension qui nous manquait, puis on a gagné la Coupe Stanley en 93. C'est deux échanges que je suis très fier là, d'avoir fait. Mais est-ce que je reviens sur Patrick Roy? Il était avec les Bisons de Granby à l'époque. C'était tout croche l'année que vous l'avez repêché. Quand vous l'avez vu à Granby, est-ce que vous pensiez qu'il allait devenir le gardien de but qui était. Arrêtez de le voir. À Granby, je suis allé le voir deux, trois fois. OK. Je suis allé le voir deux, trois fois à Granby, puis pour se mettre à l'époque, là. Ouais. Ou que, m'excuse, mon téléphone sonne, ouais. Je ne réponds pas. OK. Granby avait probablement la pire équipe dans le junior canadien. Ouais. Pas juste au Québec, en junior canadien. Puis les matchs que j'ai été voir, là, les matchs que j'ai été voir, le Patrick, il était sensationnel les 30 premières minutes. Mm. Et à chaque fois, c'était la débandade dans la troisième période, puis les lancers, 60 lancés, puis à un moment donné, il était à bout, là, puis il laissait passer 4-5 buts. Là, le club se faisait scorer la troisième période. Fait que on savait qu'il était très bon. On ne peut plus dire la carrière qu'il a eue, là. Mm. On savait aussi, à cause de sa fiche, puis à cause du club qu'il jouait, qu'on n'avait pas besoin de dépenser un premier puis un deuxième round pour lui. Ouais, c'est sûr. C'est ça qui est arrivé. Effectivement. C'était un coup de dé aussi. Ouais, mais c'est sa force de caractère aussi. Monsieur Savard, je vais vous poser une question maintenant sur les francophones. Je sais que vous êtes... écoute, moi, je suis 100% d'accord avec vous là-dessus, sur l'aspect francophone du Canadien. Mais quand que je prends votre modèle, quand je dis dans le temps de Serge Savard, il y avait 12-13 francophones, les gens me disent « Oui, mais on n'est plus en 1990, on est en 2019, le hockey a évolué. » Moi, je prétends, je veux avoir votre opinion là-dessus, que la ligne est très mince entre un joueur de la Ligue américaine et la Ligue nationale. Je parle du deuxième, troisième, quatrième trio, deuxième gardien de but, cinquième, sixième défenseur. Souvent, c'est l'entraîneur et la confiance que la direction donne envers le joueur. Donc, si on dit ça, exemple, un Louis Domingue pourrait être à la place d'un Kincaid, exemple. Est-ce que selon vous, en 2019, l'aspect que vous aviez en 90 est encore d'actualité, le Canadien devrait avoir plus de francophones? Ben, regarde, moi, là, c'est pas exactement comme ça que je me suis exprimé, parce que moi, je veux pas faire une bataille en français, c'est pas ça. Non, non. Il y a des Québécois, là, qui s'appelaient Doug Harvey, puis qui s'appelaient Montmesso, puis c'était des Québécois qui étaient pas de langue française, mais qui s'exprimaient quand même un peu en langue française. Mais ce que je voulais, moi, c'était un petit peu répéter la situation que j'avais quand je jouais avec Canadien à mes débuts, là. Il y avait la moitié de l'équipe que c'était des produits locaux de la province, là. De la province, puis pas juste de Montréal, là, de la province. Puis ces gars-là, ben, on passait tout l'été à Montréal. Tout l'été, puis on était impliqués dans la communauté, puis on avait un esprit d'appartenance, puis on se faisait dire, quand on perdait, là, on passait pas une belle été, parce que tout le monde nous demandait qu'est-ce qui s'est passé, puis allez-vous gagner l'année prochaine. Moi, je voulais les joueurs locaux, là, c'est ça, je voulais qu'ils passent, qu'ils subissent le même traitement qu'on a subi. Et c'est ce que j'ai refait quand je suis arrivé avec le Canadien. Puis ça a produit. On a gagné en 86, en 93. Oui. Donc, ce sera encore d'actualité en 2019. Ben, regarde le petit Manta hier, il a son sixième but. C'est un grand gars de 6 pieds 5. Ouais. C'est un gars qui a rempli le filet à Val-d'Or. Je pense qu'il a passé 19e. Là. Peut-être que le Canadien n'a pas eu la chance de le ramasser parce qu'il repêchait après. Là. Mais des fois, quand on enligne quelqu'un, ben, puis on fait un effort supplémentaire, puis on peut aller le chercher aussi. Là. Et c'est souvent la confiance aussi que la direction et les entraîneurs donnent aux joueurs aussi. Là. Souvent, ouais, c'est le cas aussi. Ben, moi, je ne les blâme pas. C'est la direction qu'ils ont pris. Moi, j'ai pris une direction différente. Puis dans mon livre, j'ai dit que j'écrirais tous la vérité, puis qu'est-ce que j'ai fait. Puis c'est ça que j'ai décrit. Okay. Ils n'ont pas la direction d'aujourd'hui de prendre... Si eux décident d'aller d'aller pour la vitesse, puis peut-être des joueurs moins gros, puis on verra les résultats. Ouais. Le hockey a changé. Hein. Oui, effectivement. Puis avant, il me reste deux, trois petites questions que je vais vous poser. Si, une question que les gens m'ont demandé de vous poser, si ça serait à refaire, est-ce que... Parce que tout le monde sait que vous avez fortement conseillé aux Canadiens d'embaucher Marc Bergevin. Si ça serait à refaire aujourd'hui avec tout ce que vous savez, est-ce que vous donneriez le même conseil? Ben, premièrement, là, j'ai de la misère à te répondre ça parce qu'on ne peut pas retourner dans le passé puis prétendre qu'on va savoir le résultat. Là. Mais ce que je peux te dire, que dans le passé, dans ceux qu'on a interviewés, c'est Marc Bergevin qui a gagné la cagnotte. Okay. Puis on l'a interviewé, puis c'est lui qui était le meilleur dans les entrevues. Puis c'était unanime de le prendre. Puis si c'était recommencé, je vois pas comment ça serait différent, parce qu'on peut pas savoir ce qu'on sait aujourd'hui. Oui, OK. Et dernière question, le Canadien, c'est un peu les Yankees de New York, c'est un peu le Manchester United, c'est une grande dynastie dans le monde du sport. D'avoir un club qui a de la misère à faire les séries, ou encore qui n'a pas gagné une coupe dans les 25 dernières années, qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment? Ben, écoute, on verra peut-être plus là, la dynastie du Canadien, là, ça fait 26 ans. 26 ans à Montréal, mais n'oubliez pas que ça fait 26 ans au Canada. Là. Ouais. C'est pas juste à Montréal. Là. Ça fait 26 ans que la Coupe n'est pas venue au Canada. Puis il y a 6 clubs au Canada. La dernière Coupe, c'est celle qu'on a gagnée en 93 à Montréal. La dernière Coupe du Canadien et la dernière Coupe du Canada. Effectivement. Donc, M. Savard, c'est aux éditions K.O. C'est en vente. C'est dans toutes les bonnes librairies. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un documentaire, en terminant, qui va être également un documentaire de télévision qui va être sur vous? J'ai entendu ça. Est-ce que c'est vrai que vous, ça travaille là-dessus? Vous avez... Non. Non? OK. OK. Non, je... Non. OK. Peut-être un jour, je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Okay. Bon, ben, M. Savard, un gros merci. Au plaisir de se reparler. Puis un là, autre attends pas 5 ans pour me parler. Là. Tu disais que tu n'étais pas prêt à me rejoindre. Là. Tu sais jamais, ça fait 3 ans que je tente de vous rejoindre. C'est pour ça que c'est un des beaux moments pour moi. Puis dès qu'il va y avoir quelque chose sur le Canadien de majeur, je vous okay. dérangerai pas pour longtemps, mais je vais vous appeler, cassez-vous pas la tête. Merci beaucoup. Bonne journée. L'ex-directeur général du Canadien, Serge Savard.